إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Avant toute chose, je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la visite de nos frères et de nos pères en ce masjid béni, incha'Allah ta'ala, et mettant en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « N'a pas remercié Allah, celui qui ne remercie pas les gens ». Je remercie les responsables de cette mosquée qui ont organisé la tenue de ces assises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue par un bien. Comme vous avez entendu, le sujet de cette allocution est comment trouver la douceur de la foi. Nombreux sont ceux parmi nos frères et sœurs qui se plaignent de la dureté de leur cœur, de l'insouciance, d'être pris par certaines distractions et qui ne trouvent pas de plaisir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils recherchent à trouver ce plaisir. Ils cherchent les moyens d'atteindre cette douceur dans leur foi qui leur permettra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec plaisir et épanouissement de la poitrine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exposé toutes choses. Il n'a pas laissé un bien sans nous l'indiquer. Il n'a pas laissé un mal sans nous mettre en garde contre celui-ci. Et parmi ces choses bonnes qu'il nous a exposées, il y a les caractéristiques et les moyens permettant de trouver la douceur de la foi. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné parmi ses attributs le fait qu'il possède ce qu'on appelle en arabe jawami'ul kalim, c'est-à-dire des paroles concises renfermant énormément de sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en un seul hadith, en une seule phrase, il nous a donné les trois caractéristiques fondamentales permettant de trouver la douceur de la foi. Et ce, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalathun, من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Il y a trois choses. Si elles sont dans une personne, il trouvera par celle-ci la douceur de la foi. Et ensuite, il a cité ces trois choses. Il a dit: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. La première chose, que Allah et son messager soient plus aimés pour lui que tout autre que. La deuxième, wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah tabaraka wa ta'ala. Et que lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an yakraha an ya'ouda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yughdhafa fil nar. Et qu'il réprouve le fait de retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, de la même manière qu'il réprouve le fait d'être jeté dans le feu. Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit au sujet de ce hadith, dans l'explication de Sahih Muslim, « Hada hadithun azim, aslun min usul al-Islam ». Il a dit ce hadith, c'est un hadith immense. C'est un fondement parmi les fondements de l'Islam. On voit donc à travers ce hadith qu'il y a trois caractéristiques qui permettent à la personne de goûter la douceur de la foi, d'épanouir sa poitrine, de ressentir le plaisir de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car la douceur de la foi, c'est son goût, c'est les fruits de la foi, c'est le fait que ta poitrine soit épanouie par cette foi et c'est le fait également que tu patientes dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala car tu y trouves du plaisir. Non pas comme certaines personnes qui le prient, walillahilhamd, cependant, il se force un peu à prier. Il trouve une certaine difficulté à être assidu à ses prières, par exemple. Il trouve une certaine difficulté à venir à la mosquée. Il trouve une certaine difficulté dans les différents actes qu'il accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? À cause de la dureté du cœur. Et celui qui a goûté la douceur de la foi, lorsqu'il va se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne veut pas se relever. Il prend plaisir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accomplit ses actes d'adoration avec réjouissance. Également, il va supporter les difficultés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si cela le conduit à supporter certaines difficultés, il les supporte avec réjouissance, avec patience et agrément pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car il a trouvé la douceur de la foi. Et également, cette douceur dans sa foi, elle va le mener à quoi ? À faire des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala et à placer sa religion au-dessus de toute chose. Donc, on a vu que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné les trois caractéristiques nous permettant d'atteindre ce but. On va donc les expliquer brièvement, chacune d'entre elles. La première caractéristique qu'il a donnée, c'est que tu aimes Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout autre que. Donc cette caractéristique, elle se compose de deux choses. La première chose, que tu aimes Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, que tu les aimes plus que toute autre chose. C'est-à-dire que ton amour pour Allah et ton amour pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse ton amour pour tes proches, pour l'argent, pour les biens de ce bas monde, pour tes parents, pour tes enfants, et ainsi de suite. Ton amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, il doit être supérieur à ton amour pour toute autre chose. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a dit Mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min a'azami wajibatil iman wa akbaru usulihi wa ajallu qawa'idih bal hiya aslu kulli amalin min a'malil iman. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam fait partie des plus immenses obligations de la foi. Il dit c'est le plus grand des fondements de la foi, la plus noble de ses règles ou de ses bases. Il dit c'est même la base de toute œuvre parmi les œuvres de la foi. C'est-à-dire que toute œuvre que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi qui te pousse à cela ? C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est la base de toute œuvre parmi les œuvres de la foi. On va donc commencer par le premier point, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit, c'est une obligation parmi les plus grandes obligations de la foi. En effet, la foi, elle ne peut être valide sans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'aime pas Allah et qui n'aime pas son messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant. Ce n'est pas un musulman. C'est pour cela qu'il est obligatoire d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour qu'une personne éprouve pour une chose, c'est l'attachement qu'il y a dans son cœur pour cette chose qu'il aime. C'est ça l'amour. C'est l'attachement que tu ressens dans ton cœur pour une chose. Plus ton cœur est attaché à une chose, plus tu vas aimer cette chose. Plus tu vas te réjouir lorsque tu te rapproches de cette chose. Et les croyants, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour immense. Leurs cœurs sont remplis de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur permet de trouver le bonheur dans ce bas monde. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés à partir du néant. Il t'est obligatoire de l'aimer. Comment n'aimerais-tu pas celui qui t'a créé à partir de rien ? Tu n'étais pas existant, tu n'étais pas présent dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé à partir de rien. Il est donc indispensable que tu aimes ton créateur subhanahu wa ta'ala. Également Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de nombreux bienfaits. Il t'a donné deux bras, deux jambes avec lesquelles tu marches, l'ouïe, la vue, la parole, et ainsi de suite, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez de recenser, de compter, de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourriez pas les dénombrer, car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont trop nombreux. Donc le serviteur, lorsqu'il pense à tous ses bienfaits, son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé un messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a révélé à ce messager un livre pour t'indiquer le droit chemin qui va te mener au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le suivi de ce livre et le suivi de ce messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est la cause qui te fera sortir de l'obscurité vers la lumière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir de l'obscurité des ténèbres à la lumière, de l'obscurité de la mécréance et du polythéisme à la lumière de la foi et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les règles établies dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous l'aimons. C'est-à-dire une des causes qui te pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également parce que tu espères sa miséricorde et que tu crains son châtiment. Et ceux-ci sont les trois piliers de l'adoration. L'amour, l'espoir et la crainte. Tu aimes Allah, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre au sujet de ses prophètes alayhimu salatu wa salam, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ils concouraient au bien. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Et ils nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient humbles devant nous. Et il dit également subhanahu wa ta'ala au sujet de ses serviteurs vertueux, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, comment? Par crainte et par espoir. Donc on voit que cela, ce sont les piliers de l'adoration. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu l'aimes. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu espères sa miséricorde, tu espères sa récompense, tu espères qu'il te rétribue pour tes œuvres de bien, mais également parce que tu crains son châtiment si tu commets ses interdits ou si tu délaisses les choses qu'il t'a ordonnées. Et l'amour qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs, il existe dans les deux sens. C'est-à-dire que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, car il aime ses serviteurs croyants et ses serviteurs vertueux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Ya ayyuhal ladina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqawmin, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera alors venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire que Allah aime ces gens, et qui eux aiment Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce verset que l'amour, il est dans les deux sens entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que ton cœur soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base du bonheur dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Et le fait d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que ton cœur soit attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base du malheur. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ainsi que son élève l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ils ont dit une parole dont le sens rapproché est inna man ahabba ghayra Allah tabaraka wa ta'ala 'udhiba bihi. Celui qui aime autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera châtié pour cette chose. C'est-à-dire quelqu'un qui aime une autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que son cœur est attaché à une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré l'attachement à cette chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire de cette chose une cause de son malheur et de son châtiment. Ceci peut paraître incompréhensible à première vue. Mais si on médite sur cette chose, regardez par exemple une personne dont le cœur est attaché à un emploi. Il souhaite obtenir un emploi, un bon poste. Son cœur est attaché à cela. Il aime cette chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire toutes les causes pour atteindre cet emploi, pour pouvoir obtenir cet emploi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre de la peur dans le cœur. Il va avoir peur de ne pas réussir à avoir cet emploi. Il va avoir peur, une fois qu'il l'a obtenu, de perdre cet emploi. Il se peut qu'il veille la nuit, qu'il pense sans cesse à cet emploi. Et pire encore, il se peut qu'il commette des péchés pour obtenir cet emploi. C'est pour ça que son amour pour cette chose, elle sera la cause de quoi ? De son malheur, car il sera sans cesse angoissé et triste, et également de son châtiment, car il aura transgressé à cause de cela les ordres ou les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, celui qui aime l'argent, d'un amour qui dépasse les limites légiférées. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera de cet argent une cause de son châtiment. Tu le verras, il ne dort pas la nuit. Pourquoi ? Car il pense à l'argent. Il sera prêt à faire des longs trajets, des longues distances, à voyager même dans d'autres pays. Pourquoi ? Pour obtenir encore plus d'argent. Il est prêt à se séparer de sa famille, se séparer de son pays, partir très loin. Pourquoi ? Pour gagner de l'argent, plus d'argent. Son cœur est attaché à l'argent. Et tu le vois alors qu'à cause de cet argent, il va se disputer avec ses amis. Il va se disputer avec sa famille. Pourquoi ? Car son cœur est attaché à l'argent. Donc cet argent, il aura été source de quoi pour lui ? Source de problèmes. Source de problèmes avec ses proches. Source de problèmes avec sa famille. Source de dissension. Et en plus de cela, s'il l'utilise dans autre que l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela sera également une cause de son châtiment, qu'il se rende compte ou non. Également, une personne qui s'attache à une belle apparence, une belle chose qu'il a vue, qu'il se lie d'affection à cette chose, de manière illicite qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala, elle fera de cette chose ou de cette personne une source de son malheur et de son châtiment. De son malheur, car il va y penser jour et nuit. Celui qui est attaché, qui est pris d'affection pour une personne, de manière illicite, il y pense jour et nuit. Il est préoccupé par cette chose. Il est prêt à tout pour atteindre une relation avec cette personne. Même s'il doit pour cela enfreindre les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci sera donc la cause de quoi ? De son malheur et de son châtiment. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver de cela. Quant à la deuxième chose, donc on a vu la première qui est d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'aimer son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose pour concrétiser, pour réaliser cette caractéristique qui te permettra de trouver la douceur de la foi, c'est quoi ? C'est que ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il soit supérieur à l'amour de toute autre chose. Et il ne t'est pas permis d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour semblable à l'amour que tu portes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci fait partie de la base du polythéisme. Hada aslu shirk. C'est la base du polythéisme que tu aimes autre qu'Allah de la même manière que l'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également au sujet des polythéistes qui diront, تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisions de vous des égaux du Seigneur de l'univers. Ceci est la base de leur égarement, qu'ils ont donné des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont aimés comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne convient donc pas aux serviteurs croyants d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière qu'il aime Allah. Que ce soit ses proches, les membres de sa famille, ses épouses, les gens de sa ville, de son clan, de sa tribu, ou alors des biens, ou autre chose parmi les choses de ce bas monde. Il ne doit rien faire prédominer à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers, c'est-à-dire plus aimés, qu'Allah et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Qu'est-ce que ça veut dire alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. C'est-à-dire, alors attendez à ce que vous touche un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous préserver de cela. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être atteint sans quoi ? Sans l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible pour la personne de prétendre aimer Allah s'il n'aime pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il le suive en apparence et en secret. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le verset que l'on appelle Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve. Car ce verset, c'est une mise à l'épreuve pour toute personne qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de prouver qu'il aime réellement Allah. Il dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, « Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. » Allah dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, « Dis, c'est-à-dire dis aux gens qui prétendent m'aimer, dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, suivez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera. » Il n'est pas possible pour une personne de dire « J'aime Allah », puis après, il n'aime pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible pour une personne de dire « Moi, j'aime Allah », mais il ne suit pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se conforme pas à sa sunnah, il ne se conforme pas à ses ordres, il ne délaisse pas ses interdits. Donc la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est nécessaire, indispensable. Et ta foi, elle ne peut pas être valide si tu n'aimes pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait même partie des plus grandes obligations de la religion. D'ailleurs, il te suffit pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a envoyé afin de nous faire sortir de l'obscurité à la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Et il a supporté de nombreuses persécutions pour que toi aujourd'hui, tu puisses être sur le droit chemin, sur la religion de l'islam et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est important de comprendre qu'il est obligatoire pour nous d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. C'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aime pour lui-même, bidhatihi. Amma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhabbu lillah. Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aime pour lui-même. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être plus grand que l'amour des biens de ce bas monde, que l'amour de tes proches, que l'amour de tes enfants, de tes parents et l'amour de tes amis ou toute autre personne ici-bas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi tant qu'il ne m'aimera pas plus que son enfant, que son père et que l'ensemble des gens. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a un jour dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Il est parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Omar al-Farouq, le deuxième calife bien guidé, le troisième meilleur homme de cette communauté. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, je t'aime plus que tout le monde, sauf ma propre personne. Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La ya Omar. Non, ô Omar. Hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Non, Omar. Jusqu'à ce que je sois plus aimé pour toi que ta propre personne. C'est-à-dire que tu aimes plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que toi-même. Et regardez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comment ils se soumettaient aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que lui a répondu Omar? Il lui a dit, Wallahi, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Il s'est immédiatement soumis à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc la première caractéristique qui te permettra de trouver la douceur de la foi. La deuxième caractéristique, c'est que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'aimes pas parce qu'il fait partie de ta famille. Tu ne l'aimes pas parce qu'il vient de ta ville ou de ton quartier. Tu ne l'aimes pas parce qu'il a les mêmes origines que toi. Tu ne l'aimes pas parce qu'il a de l'argent ou parce que tu as un profit matériel à trouver avec cette personne. Mais tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer une personne pour Allah? Est-ce qu'on peut aimer toutes les personnes pour Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Aimer une personne pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que tu l'aimes pour ce que tu vois en elle comme acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tu vois une personne pieuse, assidue à ses prières à la mosquée, faisant beaucoup de bien, beaucoup d'aumônes, toujours au service de son prochain. Il est obligatoire pour toi de l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il ne fait pas partie de ta famille, même s'il n'est pas de les mêmes origines que toi, même s'il ne vient pas de ta ville, même si tu ne le connais pas. À partir du moment où tu sais qu'il fait ses œuvres de bien, il est obligatoire pour toi que tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime les œuvres qu'il accomplit. Donc quiconque tu vois accomplir ses œuvres, accomplir les œuvres de bien, tu dois l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, si tu vois une personne sans cesse dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le polythéisme ou la mécréance, ou à moindre degré, dans les péchés, le vol, la consommation de choses interdites, la rupture des liens de parenté, le fait de prononcer des mauvaises paroles, le mensonge et ainsi de suite, tu ne peux pas aimer cette personne. Tu l'aimes en fonction de sa foi. S'il est musulman, tu l'aimes, parce qu'il est musulman, mais d'un amour moindre que la personne pieuse. Même s'il fait partie de ta famille, même si c'est le plus proche de tes proches parents, ton amour pour tes frères que tu vois à la mosquée, assidus dans leurs prières, qui font le bien, il doit être supérieur à l'amour de cette personne qui est sans cesse dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est ton père ou ton fils. Pourquoi? Car tu dois aimer ou détester les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu mets en pratique cela, cela te permettra, bi'idnillahi ta'ala, de trouver la douceur de la foi. Car tes relations avec les gens, elles vont être en fonction de quoi? En fonction de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour ceux qui fréquentent les gens pour des intérêts ou pour les biens de ce bas monde. Lorsqu'ils fréquentent une personne de qui ils souhaitent profiter d'une chose, dès qu'il n'y a plus ce profit, les liens, ils disparaissent. Et ces gens-là, tu les vois toujours tristes, toujours en dispute avec les gens, toujours en discorde, toujours avec des problèmes. Pourquoi? Car leurs liens avec les gens, ils ne sont pas pour qui? Ils ne sont pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui est en lien avec les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, il sera toujours heureux. Car il sait que si une personne obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'apprécie pas certaines choses en elle, il se doit de l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la troisième caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, nous permettant de trouver la douceur de la foi, c'est que la personne déteste retourner dans la mécréance. Et qu'est-ce que ça veut dire retourner dans la mécréance? Cela veut dire ici le fait de devenir mécréant. Ce hadith, il ne concerne pas seulement ceux qui étaient mécréants et qui sont entrés dans l'islam. Il concerne aussi ceux qui sont nés musulmans. C'est-à-dire que la personne, elle déteste la mécréance. Elle a peur de tomber dans la mécréance. De la même manière qu'elle réprouve le fait d'être prise et jetée dans le feu. Car celui qui mécroit, inévitablement, s'il meurt sur la mécréance, il sera en enfer pour y demeurer éternellement. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. C'est pour cela que le croyant, il réprouve la mécréance. Pourquoi? Car il aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Il espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a peur de son châtiment. Donc il réprouve également la mécréance. Il réprouve les péchés. Il réprouve toutes les choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il est convaincu de sa religion. Il est fier et satisfait de l'islam. Il ne regarde pas les non-musulmans en trouvant leur situation meilleure que celle des gens de l'islam, par exemple. Car il sait que rien n'a plus de valeur ici-bas, si ce n'est l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, peu importe les biens de ce bas monde qui peuvent être accordés aux non-musulmans, peu importe le bon comportement qu'un non-musulman peut avoir avec toi, peu importe les choses de bien qu'il peut faire, s'il n'a pas la foi, tout ceci ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il n'est pas musulman. C'est pour cela que le musulman, il ne se laisse pas trompé par ses apparences et ses choses qui font partie des biens vils et éphémères de ce bas monde. Il est plutôt obligatoire pour le musulman de regarder l'islam comme le plus grand bienfait qui lui a été accordé ici-bas. L'islam, c'est le plus grand bienfait qui t'a accordé. Rends-toi compte de la situation du monde aujourd'hui. Combien il y a de personnes sur cette terre et combien sont ceux qui se sont égarés du droit chemin. Mais Allah t'a choisi toi, ici, dans cette petite ville, au milieu de la France. Il t'a choisi pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui voues un culte sincère, que tu l'adores sans ne lui donner aucun associé, pour que tu suives la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu te rends compte de ce bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé? Rien n'équivaut à ce bienfait si tu médites sur cela. Rien n'équivaut à cela. Allah t'a choisi et t'a permis de suivre le droit chemin qui te mènera au bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le musulman d'être fier de sa religion, d'être satisfait de sa religion et de savoir que sa religion est la cause de sa fierté et de son honneur et de sa puissance ici-bas et dans l'au-delà. Et si tu es conscient de ce bienfait, de la valeur de ce bienfait, tu feras tout pour préserver ce bienfait et ne pas mettre en danger ta religion. Comme on dit, certains parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, si tu dois mettre quelque chose en péril, ne mets pas en péril ta religion. Ne mets surtout pas en péril ta religion. Tout ce qui est dangereux pour ta religion, qui fait baisser ta foi, qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, écarte-toi de ces choses. Et tout ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te raffermit dans ta religion, accroche-toi à ces choses et multiplie-les. Et tu verras ta foi augmenter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc trois caractéristiques fondamentales qui permettent aux croyants, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de goûter à la douceur de la foi. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos foi, de nous guider sur son droit chemin et de nous faire mourir en tant que musulmans, monothéistes, fervents suiveurs de son messager sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.